la montagne sur les murs, n'importe qui. Moi, je suis un sportif. Sur le fond, je roule dans le cœur, etc. C'est comme un jeu, tu vois. B2O, barra, B2O, barra, B2O, barra. Tu sais où est la sortie de secours. B2O, barra, B2O, barra, B2O, barra. Tu sais où est la porte de sortie. B2O, barra, B2O, barra, B2O, barra. Tu sais où est la sortie de secours. B2O, barra, B2O, barra, B2O, barra. Tu sais où la porte de sortie. Le game, t'as rendu l'alliance. 2003, année de la traîtrise. A-L-I, tu as que ma reconnaissance. B2O-P-A, a.k.a. baisse le réversible. L'islam n'accepte pas les dépravés. Combien de gens as-tu égaré? Clash en you. Où sont passés les punchs virils? Tonton Jack et Tati Daniel veillent sur l'ourson. Talak, talak, cimetière, cimetière, trappeur fini. Coucou, coucou, franc en pleine tête, platini. Des attaques français FA, j'envoie 2000 ans assez en CFA. T'en as pas assez, 45 cm dans le colon. J'arrive comme Christophe Paul. B2O, barra, B2O, barra, B2O, barra. Tu sais où est la sortie de secours. B2O, barra, B2O, barra, B2O, barra. Tu sais où est la porte de sortie. Bout de bois, mon petit gâteau. Ni aigle, ni pigeon, j'suis le pivert qui casse le cul taco. Morsaille, c'est dédicacé aux voyageurs. Moret, et pas dans la chatte à ta petite sœur. Rigole, rigolo, j't'inquiète, il veut niquer. 30 la galère, c'est 3 magasins, une armurerie, t'es mort, bing bing. J'suis à l'hôtel à Hollywood avec Jennifer Lopez. Toi, t'es avec Rick Ross, de vrai. Zamel, tu refuses de combattre avec Morsaille, grosse tapette. Tu préfères tweeter Brolitas, clic clic, petite salope. Big up à Alida, Mohamed et Abdel de Honneur. Tu sens la patate, ça sort tout droit du Maroc et de Alger. B2O, barra, B2O, barra, B2O, barra. Tu sais où est la sortie de secours. B2O, barra, B2O, barra, B2O, barra. Tu sais où la porte de sortie. Chez les alcooliques, tu n'es plus anonyme. Tout le monde t'a abandonné comme ton patronyme. T'as tapé berné les miens avec ton logo israélien. Tu dis être dans le futur, mais n'oublie pas que le passé nous a laissé de grosses pointures. Même pas Renoir, ni Rapsan, ni Papdou. Tu te caches sous ta carapace comme un tatou. Comme un yage, tu te tatoues. Bêta, Omega, Hogla, Bata, Aren, Roncha. J'suis trop haut en calage, j'vais pas marbrer Eliaba. B2O, barra, B2O, barra, B2O, barra. Tu sais où est la sortie de secours. B2O, barra, B2O, barra, B2O, barra. Tu sais où est la porte de sortie. Hey mes enfants, ici le prêtre Bokassa Doukouré, à la paroisse de Bakel City. Et dernièrement, notre ami Bouba est venu se confesser auprès de mon service. Et il m'a fait savoir que dans son passé, il a fait des bêtises, il a commis des braquages et il a vendu de la drogue. Mais je lui ai dit, Bouba, tu vends toujours de la drogue. Quand la musique que tu fais, c'est de la dope.